tout bloc. Je faisais le plein, je faisais le pété. J'ai perdu les pédales en bagnole. L'avertisseur sonore m'avait pourtant prévenu, mais le compteur m'a endormi. Je ne savais plus faire ma carrière. Le cerveau frein me l'a dit. Le rythme fou des essuie-glaces réveille le pilote automatique. Parmi les milliers d'autres véhicules, le mien tentait de m'échapper. J'ai perdu les pédales à vélo. Le dérailleur était contagieux. Et la chaîne m'a tué ma tour. Le garde-boue avant s'était assis après et m'avait renvoyé un câble avec pignon sur rue. La crevaison me guette, l'étang me tend les bras.